des mois que cela dure. Et moi je ne suis plus vraiment sûr. Je ne sais plus si j'aime votre présence. Mais pourrais-je supporter longtemps votre absence? Et je me demande, aurais-je la force de comprendre pourquoi l'amour est plein d'incertitudes? Pourquoi ai-je envie d'un peu de solitude? Mais on dirait que malgré tout, je suis un peu fou. De tous nos orages et de tous vos sanglots, et de tout ce qui ne peut s'exprimer avec des mots, et toutes nos colères et nos déchirures, peut-être fallait-il attendre que nous soyons plus mûrs. Et nous sommes encore avant. Comment se haïr après tout ce temps? Voyez-vous l'amour, ses incertitudes? Comprenez-vous mes besoins de solitude? De solitude. Et on dirait que malgré tout, je suis un peu fou de vous. Je l'avoue, j'aime cette souffrance. Je suis un peu fou de vous.